charité. Quand j'aurai les dons de toute la connaissance, sans ma charité, je serai rien de ma tour. La charité, la charité.